C'est Adamo Ikula, chanteur ténoriste, sous-chef d'orchestre du groupe Zeiko Langa Langa. Je suis dans le groupe il y a de cela 12 ans. Je crois que je le mérite bien puisque je suis toujours fidèle à mon patron Nyokalon Ojosa. Voilà, tout à l'heure là, c'est ma chanson, top premier. C'est ma deuxième chanson dans le groupe, quoi. À part quelques zonzing que vous connaissez, c'est ma deuxième chanson et je suis fier de moi. Je crois que ça va encore aller très longtemps. L'an 2000, c'est pour nous, c'est pour moi. Thanks to all my good friends and brothers, musicians around the world. Ok, bye. Gérard Kita, PDG Maison Diantezoa, où est sa famille? Kina Kinyamba. Kito Ekula, Dieudonné Malouka.